Voilà le laboratoire chimique. On fait le produit ici. Échantillon corrosif. 9.92 ADN 9.2 9.3 Le rap est pris de vitesse, les rappeurs poussent des cris de détresse. Le son en stress et raide, mort comme en état d'ivresse. Ma grosse remue ta graisse, négro dépense la fraîche. Île de souffrance pour les arts, tu connais notre adresse. Que les faux gardent la pêche, au départ dans la pièce. Avec un style qui blesse, attitude de mec de test. En scred on fait nos jazz, on voit d'oseille le pèse. Partout voir, mais c'est dans le boule de Jennifer Lopez. Les rimes en stock dans le vestiaire de 8 et 12 de 16. À exposer sur scène pour exploser l'MC sous 16. Monte le son dans ton check, pour la split, mets-toi à l'aise. C'est pas test le book du 92 et 93. Les ghettos, you progress, on fait de la place aux jeunes. À chaque nouveau texte, c'est l'effet d'un coup de gueule. Regardez les grandes gueules, au micro, nos mots blessent. ADN et NEH, créent nos lettres de noblesse. Fais la diff, parce que nous, nos textes sont les taf. Toujours en mif. Réunis, soudés dans tous les cas. Donc on inspire. Mets-toi bien, montre le son de l'indice. Rappeur au micro et donner quelques pas. On fait la diff. Parce que nous, nos textes sont les taf. Toujours en mif. Réunis, soudés dans tous les cas. Donc on inspire. Mets-toi bien, montre le son de l'indice. Rappeur au micro et donner quelques pas. Qu'on s'arrête du même, se font passer pour des deux. Mon rap avait l'effet d'une bombe. Si tu fais le fou du Costa, ton des malheurs, tu te m'amènes. Des malheurs, man, je me ramène. Mon rap est celle dans le domaine. J'ai des mains, tu te domines ma mère. Le retour de ATN ramène le bouge de Balama. Haine envers ce Estelle qui se prostitue. Beaucoup cause mais peu en la prose qui tue. La dire c'est la ferme. Quand j'apprends qu'ils finiront en pire. Valant dire qu'ils se mettent en grève. Est-ce qu'on raconte, moi j'assure grâce. Y'a du mot dans l'air. Tu vois le délire direct, je te rentre dans l'art. Trop d'MC sont ridicules. Donc je me dois d'être radical. Je rappe avec mes creep dealers. Au titre que je ne m'invente pas une vie de titulaire. Ça va faire mal. Formel et l'enfant de King. Faut qu'on canne ces rappeurs en silence. Parce que nous, nos textes sont les taf. Toujours en mif. Réunis, soudés dans tous les cas. Donc on inspire. Mets-toi bien, montre son triumphe. C'est nos kiffs. Rappeur au micro et donner quelques pas. On fait la diff. Parce que nous, nos textes sont les taf. Toujours en mif. Réunis, soudés dans tous les cas. Donc on inspire. Mets-toi bien, montre son triumphe. C'est nos kiffs. Rappeur au micro et donner quelques pas. 1, 2, c'était les mecs pleins de faces qui se plaignent de ceux qui jattent et qui n'assument pas leur sac. Quand j'y pose les cartes sur table, face à toi qui n'assure. La concurrence dans un cul-de-sac, on la fumera à gros sac. La plupart pour des sous nous ont déçus. Si j'y sens, je t'assure, t'auras même pas le temps de te chier dessus. On te livre un aperçu et perce tes tympans. Parce que notre niveau se place un grand au-dessus. Fais la diff, parce que nous, nos textes sont les taf. Toujours en mif. Réunis, soudés dans tous les cas. Donc on inspire. Mets-toi bien, mon cul son trium taf. C'est nos kiff. Rappeur au micro et donner quelques pas. Fais la diff, mélange pas bien les shits explosifs. Comme Clamart et Blackfeet, ok. C'est du lourd, mon pote! Opérationnel!